Bonjour Nicolas Martin. Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange, et comme chaque jeudi, nous parlons d'histoire des sciences et d'épistémologie. C'était la semaine dernière la Peer Review Week, la semaine des revues à évaluation par les pairs, qui est le système qui régit les principales revues scientifiques sur le thème de la transparence, cette Peer Review Week. Or, depuis plusieurs années, de nombreux domaines de recherche, et notamment les sciences expérimentales, traversent une crise dite de la reproductibilité, soit l'incapacité d'aboutir à des résultats similaires en reproduisant une expérience ou une manipulation dans des conditions similaires. Quel contrôle exercer sur les publications ? Faut-il revoir la démarche expérimentale ? Ou à l'inverse, la reproductibilité est-elle non seulement possible, mais surtout nécessaire ? Publication, pourquoi les chercheurs ont-ils tant de mal à se reproduire ? C'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions très sérieuses, malgré ce titre sous forme de clin d'œil, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Michèle Leduc. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicienne, directrice de recherche émérite et membre du comité d'éthique du CNRS. Nous attendons Hervé Thys, notre deuxième invité, qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Vous pouvez suivre, comme d'habitude, l'émission en direct sur notre compte Twitter en vous abonnant au fil @laméthodefc. Michèle Leduc, dans le magazine La Recherche, qui avait consacré un dossier à cette question de la reproductibilité, Nicolas Chevassou-Auloui, que nous avions d'ailleurs reçu ici même pour évoquer des questions liées à la fraude scientifique. Nicolas Chevassou-Auloui cite un psychologue italien pour qui faire une expérience qui marche à tous les coups est un TP pour étudiants et non une véritable expérience de recherche. Découvrir la non-reproductibilité de bon nombre de résultats est même un rite initiatique dans une carrière scientifique. Qu'en pensez-vous ? Je pense que cette notion de reproductibilité est une notion assez mal définie, en fait. D'abord, elle dépend des domaines. Il y a des domaines où la question ne se pose pas de cette façon. Mais il faudrait distinguer, c'est une distinction un peu sémantique, la reproductibilité et la réplicabilité, comme on dit, ou la possibilité de reproduire, ça n'est pas la même chose. On va le faire dans un instant, mais sur cette question, ce qu'on entend dans cette citation de Nicolas Chevassou-Auloui, c'est que tout chercheur, à un moment donné de sa carrière, est confronté à un problème d'une expérience où ça tombe pas juste, où on retrouve pas exactement les vrais résultats, que c'est une forme de rite initiatique, de bizutage du chercheur. Est-ce que vous partagez cette opinion ? Bien entendu, tout chercheur est quand même confronté à la nécessité de produire des résultats les plus fiables possibles, sans qu'il pense forcément atteindre une vérité totalement robuste. Il y a toujours ensuite des marges d'erreur dans tout ce qu'on fait. Mais il faut bien pouvoir les contrôler. Voilà. Alors justement, faisons ce travail onomastique en quelque sorte, ou en tout cas de définition. De quoi parle-t-on quand on parle de reproductibilité ? Quelles sont les conditions de la reproductibilité d'une expérience ou d'une manipulation ? En fait, c'est une expérience que vous pouvez reproduire vous-même si vous la faites deux fois, trois fois, avec les mêmes données, les mêmes méthodes d'analyse, la même méthodologie, et à ce moment-là, vous pouvez la reproduire. Ça, c'est la reproductibilité. Ça peut être quelqu'un d'autre qui la reproduit, mais avec les mêmes données et en utilisant les mêmes méthodes. Ça, c'est la reproductibilité. Ça, c'est quand même le point zéro de la fiabilité du travail. Ce qui ne veut pas dire que le résultat est juste, mais bon. La réplicabilité, mais c'est pas un mot qui sonne bien en français, la possibilité de faire de la réplication, ça veut dire que quelqu'un d'autre, dans un autre groupe, dans une autre équipe, peut refaire votre manip, mais votre expérience, mais en prenant lui-même les données. Donc, avec la même méthodologie, les mêmes buts, mais ça peut être reproduit avec d'autres données. Alors, c'est assez différent et la réplicabilité me paraît plus importante. On va tomber d'accord sur la terminologie parce qu'on parle de répétabilité quand le même chercheur fait la même expérience et aboutit au même résultat. Ça, c'est répliqué. Avec les mêmes données. Avec les mêmes données, c'est répliquer une expérience. Répéter, c'est la répétabilité. La reproductibilité, ce dont nous allons parler au cours de cette heure, c'est des milieux différents, des opérateurs différents, des équipements différents, mais des résultats semblables. C'est de ça dont on parle. Voilà, je suis tout à fait d'accord et c'est ça qui est important. Voilà, c'est de cette question-là dont nous allons parler. Nous allons voir qu'il y a effectivement eu un certain nombre d'affaires ces dernières années où des chercheurs ont tenté de retrouver expérimentalement des résultats publiés dans des revues et se sont rendus compte, bien que ça marchait pas toujours très très bien. Il y a une étude qui a été faite, publiée l'an dernier dans Nature, qui fait état de chiffres impressionnants. Je vous les livre, Michel Leduc, sur un peu plus de 1500 chercheurs, deux tiers ont un jour été incapables de reproduire une expérience publiée. La moitié déclare avoir parfois échoué à retrouver dans leur propre travail le même résultat à une expérience. Et enfin, 90% s'accordent à dire que leur discipline traverse une crise de reproductibilité. Un commentaire sur ces chiffres ? Oui, non, je connais bien cet article, on l'a regardé. Je pense qu'il faut le prendre avec à une certaine distance, parce que c'est en fait une enquête. Ça n'est pas un travail sur des résultats qu'on confronte avec des méta-analyses, et ça c'est vraiment très intéressant. Par contre, ça c'est une enquête. Vous savez, si vous me demandez, est-ce que vos résultats sur les condensations de Bose-Einstein sont reproductibles, selon comment on me pose la question, je vais dire ah oui ou ah ben non, c'est pas reproductible. Voilà, ça dépend beaucoup de l'orientation de la question. Donc ces questionnaires, ce sont des questionnaires qui avaient été posés à des chercheurs. Sont à prendre. Il y a eu des questionnaires comme ça qui ont été faits il y a quelques années. Est-ce que vous avez eu des conduites un peu qui dévient de l'intégrité? Alors, deux tiers avaient dit ah oui, il y avait une liste de 20 questions. Est-ce que vous avez fait ci, fait ça? Oui, peut-être. Oui, une fois dans ma carrière. Bon, oui, il faut prendre ça avec une certaine distance. Ceci dit, ça montre quand même qu'il y a une conscience maintenant qui augmente parmi les chercheurs eux-mêmes par rapport à cette question des résultats non reproductibles. Et je dois dire que c'est parti déjà depuis le début des années 2000, on en parle de plus en plus, c'est parti des sciences médicales. Il y a deux personnes, vous avez cité ce chercheur italien, je pense que c'est Daniele Fanelli, c'est un des experts. C'est le plus, celui qui a lancé la réflexion, c'est un médecin, un professeur qui s'appelle John Ioannidis, qui est à Stanford et qui a fait le premier papier sous un peu provocateur, mais en disant bon, il y a beaucoup de pas de reproductibilité dans beaucoup de résultats des tests médicaux. Le papier de Ioannidis concernait plus directement la fraude en science. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un soupçon de fraude. C'est toujours son point. Mais néanmoins, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est quand j'étais pour la première fois à un congrès sur l'intégrité scientifique. Je crois que c'était en 2013. C'était moins répandu comme problème que maintenant, mais tout de même, c'était à Montréal. J'ai entendu ce Daniele Fanelli dire qu'il avait fait une méta-analyse sur des résultats des résultats médicaux qui étaient où il avait confronté des chiffres de résultats positifs d'un certain nombre de petits articles à une méta-analyse sur le même problème, et il avait trouvé que au lieu d'avoir 20% de guérison, si on faisait la méta-analyse, on trouvait 5%. Qu'il y avait beaucoup de résultats qui étaient faits sur trop peu de statistiques, cohortes trop petites, qui n'étaient pas forcément des fraudes, mais qui n'étaient pas vraiment fiables. Et ça m'avait beaucoup ébranlé, parce qu'en physique, on n'a pas ce problème. Ça m'avait beaucoup ébranlé, parce que dans le domaine médical, qui n'est pas pas intéressés à savoir si les résultats des publiés sur lesquels se font les traitements ne sont pas fiables. Donc voilà, c'était parti comme ça. Hein. Pour revenir juste un instant sur cette enquête, effectivement, auprès d'un peu plus de 1500 chercheurs, elle dit en tout cas quelque chose d'indéniable, c'est-à-dire un sentiment, un ressenti de la part des chercheurs interrogés, puisqu'à 90%, ils s'accordent à dire que leur discipline traverse une crise de reproductibilité. Est-ce que vous diriez que, effectivement, que c'est un mal nouveau, que c'est quelque chose qu'on découvre, qu'on a levé le coin du tapis et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plus de poussière qu'on ne l'imaginait? Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Leduc ? Je ne me rends pas compte. J'ai l'impression qu'effectivement, la pression... Alors là, on arrive aux causes un petit peu là-dessus. La pression qu'il y a sur les chercheurs, en particulier les jeunes chercheurs, et en particulier dans les domaines de biologie, de médecine, et aussi maintenant ça s'étend à la biologie, sont la pression un peu quand même augmentée dans les 10 dernières années. Hein, si la pression à la publication, vous entendez. Alors il y a la pression à la publication, bien sûr. Donc ça, c'est, vous en avez certainement parlé dans des émissions précédentes. La course aux publications, le fait que si vous voulez faire répliquer une expérience et que vous trouvez un résultat négatif, les éditeurs sont pas très fanas de vous la de pour vous des la raisons publier. Qu'on peut entendre. Vous avez fait, j'ai entendu une émission sur le peer review, sur la revue par les pairs. La revue par les pairs, elle subit aussi une crise, hein, parce que, comme vous le savez bien, on a de plus en plus, quand on est dans la recherche, de rapports à faire. Il faut faire des rapports sur les carrières des gens, il faut faire des rapports sur les articles, il faut sur les projets qui sont présentés aux agences de financement françaises, européennes. Enfin, on n'en finit pas de faire des rapports, ça prend beaucoup de temps et on a tendance à les faire un peu moins bien, un peu moins sérieusement, tout en faisant ce qu'on peut. Et donc, on laisse passer plus de résultats qui ne sont pas fiables. On va essayer, au cours de cette heure, de circonscrire un peu les différentes causes et putatives de cette crise dite de reproductibilité, les raisons pour lesquelles on se rend compte aujourd'hui. On va avoir le temps d'en faire le tour, Michel Leduc. J'aimerais qu'on continue à creuser un peu sur la nature de cette crise. Vous l'avez évoqué, on a parlé de crise dans le domaine de la psychologie, avec des résultats difficiles à retrouver, donc dans le domaine également des sciences sociales. Est-ce que toutes les disciplines sont concernées au même chef par cette crise? Je ne pense pas. Absolument pas. Vous ne pouvez pas parler de ça à un mathématicien. Ça veut le faire sourire. Et en physique, de la même façon. D'ailleurs, il y a tout n'est pas reproductible en science. Je voudrais un petit peu insister là-dessus. Prenez quelqu'un qui travaille en astronomie, hein, ou en cosmologie. Bon, le ciel, c'est son laboratoire. Il ne peut pas faire arriver dans le ciel ce qu'il a envie de faire voir se reproduire. Si une explosion de supernova, et deux trous noirs qui font une collision, il n'est pas maître de ça. Donc, il y a ça. En physique, pour descendre un peu sur Terre, vous avez des très grosses manips, comme la manip du LHC au CERN. Le grand collisionnaire d'électrons. Les grands synchrotrons, les grands équipements. Les grands équipements, voilà. Mais la manip qui a abouti à la découverte du boson de Higgs récemment, très très grande importance en physique, pour les théories de la physique. Cette expérience, elle est unique au monde et elle sera probablement pas reproduite compte tenu de son coût. Donc, ça ne veut pas dire que les chercheurs vont faire n'importe quoi et qu'il n'y aura pas de marge d'erreur. Au contraire, toutes les erreurs... Sous votre contrôle, il me semble néanmoins qu'elle a été non pas reproduite, mais elle a été répétée. On a redétecté d'autres bosons de Higgs après la première détection, oui, je crois. Oui, il y a ça. Bon, il peut y avoir des répliques. De même que quand on a vu les ondes gravitationnelles, on en a vu d'autres après. Donc, ça rend... Et puis aussi pour le LHC, je dois dire, ce qui est important, c'est qu'il y avait quand même une double approche. Il y avait deux types de détecteurs différents qui ont au même moment et pour le même événement donné tous les deux des résultats qui se sont confirmés. Donc ça, c'est très important pour établir la vérité d'un phénomène. Ça veut dire qu'il y a une différence naturelle de régime entre les sciences observationnelles et les sciences expérimentales? C'est pas ça, c'est peut-être la taille, c'est très différent, je crois, la biologie. Et je ne connais pas bien la biologie, mais maintenant, nous parlons quand même beaucoup au CNRS avec les biologistes, donc pour les questions d'intégrité, parce que quand même, c'est dans ces domaines-là que se posent le plus de questions, sans vouloir stigmatiser ses collègues, bien entendu. On voit qu'il y a une grande différence dans ces matières. Parce que la biologie, dans les domaines de biologie, c'est très compliqué. Les expériences sont difficiles. Il y a beaucoup de paramètres. Ça dépend de l'environnement. D'un jour à l'autre, il peut changer. Vous pouvez avoir des choses qui ne sont pas reproductibles par nature. Ce n'est pas la matière sur l'échelle de cette table. Elle est reproductible. Peut-être. Mais ce que vous décrivez, parce qu'évidemment, tout ne concerne pas que la biologie ou la biologie moléculaire. On trouve des problèmes de reproductibilité dans la physique expérimentale. On en trouve en chimie. On en trouve dans les sciences dites cognitives ou sociales, enfin en médecine, voilà, ça ne concerne pas que les sciences du vivant. Non, bien sûr, c'est certainement pas vrai. Les sciences de psychologie, par exemple, qui procèdent par enquête, d'une enquête à l'autre sur le même thème, sont susceptibles de trouver des résultats assez différents. Mais moi, ça ne me surprend pas parce que les échantillons humains ne sont pas pas semblables. De même en sociologie, vous refaites la même étude 5 ans après, la société a changé, vous ne trouvez pas le même résultat. C'est pas reproductible. Mais est-ce que ça veut dire que quand on parle de crise de la reproductibilité, on peut mettre sur un pied d'égalité les sciences sociales et des sciences expérimentales plus matérielles? Est-ce qu'on peut vraiment reprocher à une science sociale de faire varier des résultats à petite ou à grande échelle? Est-ce que c'est juste une question d'importance de la cohorte? Oui, Michel Leduc. Oui, mais tout ça joue. On peut rapprocher effectivement. J'ai vu que les sciences de cet article de Science auquel vous faites allusion, qui est récent, j'ai vu que dans ces domaines de psychologie, maintenant, on utilise un peu les mêmes méthodes pour détecter les erreurs statistiques, que les mêmes méthodes que dans les sciences de biologiques. C'est-à-dire que pour se donner l'impression quantitative qu'on a fait une bonne enquête statistique, on fait intervenir ce facteur qu'on appelle en anglais plus p-value. C'est la valeur P. Mm-hmm. Vous savez ce que c'est. Moi, ce qu'on regarde. Appelle le petit P en français. Le petit P. Voilà. Je ne sais pas comment on l'appelle. Parce en français, qu'en c'est physique, le petit P. On n'utilise pas ça. On va y revenir sur le petit P. C'est intéressant quand même que les sciences humaines et sociales, maintenant, se mettent un petit peu à utiliser ces méthodes de validation, au moins quantitatives, de façon quantitative. C'est nouveau quand même pour les HS, je pense. Pour expliquer aux auditeurs ce qu'on appelle le petit P, mais on y reviendra, c'est le delta d'erreur à partir duquel on considère qu'un résultat est significatif et se détache juste du pur hasard. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Peut-être dire un mot aussi dans cette crise de la reproductibilité, même si on y avait consacré une émission entière, qu'il y a évidemment certains cas frauduleux, mais quand on parle de crise de la reproductibilité, on ne parle pas de fraude en science. C'est un pourcentage, mais ça n'est pas le pourcentage principal des problèmes de reproductibilité qu'on rencontre. Je suis d'accord avec ça. Les fraudes en science, il y en a toujours eu. Il y en a depuis l'Antiquité. Il y a des cas célèbres. Il y en a toujours eu. Le CNRS, donc, je connais un petit peu ce qui se passe au CNRS. Chaque année, il y a quelques cas de fraude qui sont traités de façon très sérieuse. Peut-être pas avec la transparence que souhaiterait le comité d'éthique, mais néanmoins, les cas sont traités. Mais je n'ai pas l'impression qu'elles soient en augmentation, les fraudes. Voilà, il y a des fraudeurs dans toutes les professions. Mais peut-être moins même en sciences, parce que ma conviction, c'est que si on fait le métier de chercheur, c'est vraiment une vocation et que ce n'est pas un métier tout à fait comme les autres. C'est une opinion personnelle, avec le bagage Bac plus 10 avec lequel on entre au CNRS avec un salaire ridiculement faible, on pourrait faire autre chose de sa vie. Donc c'est donc qu'on y croit. Donc voilà, on n'est pas entré pour frauder. C'est une petite chose que je voulais dire. Ouais. Votre aparté, c'est votre mission, Michel Leduc. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20, vous écoutez La Méthode Scientifique sur France Culture. Nous parlons de ce que l'on appelle la crise de la reproductibilité en science, une crise qui a émergé ces dernières années, on va dire depuis une dizaine d'années, qui prend de plus en plus d'importance et qui pose des questions sur la façon dont certaines publications ne donnent pas les mêmes résultats quand les expériences ou les manipulations sont répétées dans d'autres conditions par d'autres équipes de chercheurs. Nous en parlons avec Michèle Leduc, qui est physicienne, directrice de recherche émérite et membre du comité d'éthique du CNRS, et nous devions parler avec Hervé Tis, mais qui semble avoir perdu le chemin de Radio France. Espérons qu'il le retrouve d'ici la fin de l'heure. Alors, pour remonter à cette source de la crise de reproductibilité, Michèle Leduc, nous allons tenter ensemble d'en expliquer les causes. Dominique Pestre verbalise une hypothèse assez communément admise que je vous soumets, vous me direz ce que vous en pensez. Toute expérience est un acte créatif et souvent délicat à réaliser. Elle n'est souvent imaginée et réussie que par quelques personnes et requiert, pour réussir, une habileté pratique encore non codifiée, des tours de main que leurs auteurs sont souvent bien en peine de pouvoir expliciter. Qu'en pensez-vous ? Ah, je crois que c'est tout à fait juste. Oui, et c'est difficile d'expliciter le tour de main. C'est dommage que Hervé Tis soit pas là. Il pourrait nous expliciter comment il fait ses recettes et que personne ne peut les reproduire. Il faut préciser qu'Hervé Tis est directeur d'une équipe de gastronomie moléculaire à l'INRA, qui a également publié un papier lié justement à ces questions de reproductibilité des expériences. Ouais. Oui, mais c'est vrai que les expériences, si j'ai bien compris ce que dit Dominique Prest, demandent une créativité particulière et il faut avoir fait tout un chemin dans son passé scientifique pour arriver à réaliser tout ce qui est nécessaire pour la faire réussir. Et en général, ça va un petit peu avec le problème de la vérité en science, l'expérience elle n'est pas née de la volonté de faire une expérience qui est jolie, elle est destinée à vérifier une idée, à vérifier un concept, à vérifier une hypothèse. Enfin, c'est comme ça qu'on travaillait à mon époque, si je puis dire. Parce que maintenant, ça change un peu hein, avec les big data. L'hypothèse vient peut-être après. C'est un autre débat qu'on aura certainement débat. Au cours d'une autre émission. C'est un autre débat. La question, c'est est-ce que cette non-reproductibilité chronique pourrait être imputée en sens ou expliquée, puisqu'il n'y a pas de causalité directe, mais en tout cas, peut-être une voie conséquentielle, comme la conséquence donc d'une complexification non seulement des outils, mais aussi des techniques scientifiques. Michèle Leduc. Oui, je le disais tout à l'heure pour la biologie, puisque j'ai quand même une fille qui fait de la biologie, donc je sais un petit peu comment ça marche, que c'est effectivement, ce sont des expériences qui sont très compliquées pour que les conditions soient extrêmement bien définies. Et si les conditions ne sont pas extrêmement bien définies, et vous savez, ça peut aller jusqu'à savoir si on achète le produit chimique à la même maison et s'il n'a pas été pollué entre-temps d'un flacon à l'autre. Ça dépend si vous travaillez avec de l'eau ou vous prenez votre eau et d'un jour à l'autre l'eau peut avoir changé et tout peut changer énormément. C'est-à-dire qu'il y a aussi effectivement une instrumentation, un outillage d'une précision beaucoup plus grande qu'elle n'était naguère et donc on arrive à des degrés de précision qui n'étaient pas atteints il y a encore une dizaine ou une vingtaine d'années. Je prends quelques exemples pour nos auditeurs qui me semblent assez parlants, que je tire justement de cet article de Nicolas Chevassuot-Louis dans le magazine La Recherche. Il prend comme exemple des échantillons sur lesquels, en physique précisément, ça vous concerne Michèle Leduc, des échantillons sur lesquels on étudie le transport d'électrons qui ne fonctionnent pas quand ils sont trop anciens. Il prend exemple en chimie une réaction donnée qui ne se produit dans un tube à essai que quand l'expérimentateur ne porte pas de gants, ou encore une souche bactérienne qui ne pousse pas en hiver. Donc ça veut dire qu'on tombe sur des micro-paramètres, sur des micro-variations qui font que la reproductibilité compte tenu du niveau de technicisation, devient très complexe à mettre en place. Oui, mais je pense que dans les expériences du passé qui nous paraissent plus faciles, les conditions expérimentales étaient tout aussi complexes. Les premières expériences de spectroscopie, si vous voulez, qui ont permis d'aboutir à la confirmation de l'existence des atomes, c'est vraiment une vérité avérée maintenant. Je pense qu'elles étaient aussi compliquées par rapport à ce que savaient faire les gens à l'époque. Je ne parle pas de la complexité de l'expérience en tant que telle, mais en revanche de la finesse des instruments d'analyse. Oui, c'est-à-dire qu'on réalise aujourd'hui qu'il y a des deltas, qu'il y a des variations qu'on percevait moins finement avant. C'est vrai, je peux même vous donner une petite anecdote. Volontiers. Que j'ai trouvée tout à fait par hasard. Je ne sais pas si elle est vraie. Hein. Dans un roman de David Lodge, vous savez, qui parle beaucoup du milieu universitaire. En tout cas, ces livres nous ravissent parce qu'on s'y retrouve. Il raconte l'histoire d'un entomologiste qui travaille sur des petits insectes et qui s'amuse le soir à les faire pousser et se reproduire sous la lampe de chevet de sa table de nuit. Et sur un journal, alors ce chercheur est anglais, le journal c'est le Times. Mm-hmm. Ensuite il est invité à Columbia, il emmène ses petites bêtes dans une boîte et puis il refait ses manips dans son hôtel à Columbia et ça ne marche plus, les bêtes meurent, etc. Que se passe-t-il ? Eh bien il fait ses manips sur le New York Times et non plus sur le Times. Voilà, c'est un mini anglophile et pas américanophile. Un mot pour ces sources de variabilité. On a réussi, ou en tout cas, à les circonscrire théoriquement. On parle des 5 M, le matériel, la main-d'œuvre, le milieu, la matière et la méthode. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire un mot de ces 5 grands thèmes de variabilité d'une manipulation, d'une expérience scientifique, Michel Leduc ? La méthode est très extrêmement importante. Le matériel peut dépendre d'un laboratoire à l'autre. Le matériel peut être plus ou moins sophistiqué. Évidemment, si vous avez le matériel le plus performant, vous êtes plus à même d'avoir un résultat facilement obtenu et exact. Ou au contraire, de voir justement une variabilité de l'expérience qui n'avait pas été perçue par les études initiales. Peut-être, si vous avez plus de résolution, vous allez avoir des images plus fines et vous allez voir plus de choses. Mais je pense que c'est quand même, dans les 5M, moi je dirais que c'est la méthode qui est la plus importante. C'est cette histoire de coup de main que Dominique Pestre décrivait tout à l'heure. Une manipulation, c'est forcément une manipulation nouvelle, donc elle n'est pas sériée encore, elle est encore un peu... un peu original, un peu unique, la créativité, de la finesse du geste du manipulateur. C'est la méthode, hein. Là où la créativité est la plus importante. Mmh. On parlait aussi, on peut rajouter d'autres M, peut-être un M qui va vous intéresser, Michel Leduc, celle du management, celle aussi de la question parfois de la solitude des chercheurs ou des expérimentateurs face à leur paillasse, face à leur manipulation. Oui, alors là, vous touchez un sujet qui intéresse beaucoup le comité d'éthique. C'est la façon dont fonctionnent les équipes avec les relations entre le chef d'équipe, les doctorants, les post-docs qui viennent de l'étranger, qui aident les doctorants, le mentorat, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français, Le mentorat me convient, en tout cas, on comprend de quoi il est question. Le mentorat est extrêmement important. Si vous avez un chef d'équipe qui prend le temps de bien s'occuper des jeunes qui travaillent, parce que en général maintenant ce sont les jeunes qui font les expériences, c'est les doctorants, les post-doctorants et puis les tout jeunes recrutés. Malheureusement les plus seniors sont beaucoup requis par des tâches de management, des tâches pour trouver de l'argent, puisqu'il y a de moins en moins de facilité de n'avoir d'argent récurrent, et donc il faut faire répondre à des appels d'offres de toutes sortes, donc ça prend, et puis faire des expertises. On l'a beaucoup entendu autour de cette table, le temps que sur les tâches administratives. Donc c'est très important que le chef d'équipe donne des bonnes habitudes à ses chercheurs. Ne le fasse pas sur eux des pressions pour qu'ils donnent tout de suite, le plus vite possible, les résultats, et on en a vu des exemples catastrophiques là dans les quelques cas extrême de fraude qui ont secoué un peu la recherche française. Mais on parlait du cas d'Olivier Vionnet, on va renvoyer nos auditeurs justement à l'émission sur la fraude scientifique. Qui faisait trop de pression sur ses chercheurs en disant je vais partir, il me faut de mes résultats. Voilà, je veux. Donc si au contraire le chef d'équipe donne vraiment les bonnes méthodes, demande des contrôles, s'assure que les résultats sont faits et bien reproductible dans la mesure du possible, je crois que c'est très, très important. Voilà. Et puis, il y a une autre hypothèse qui risque de faire grincer quelques dents, c'est celle du lien intrinsèque entre la non-reproductibilité chronique et la recherche académique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Aujourd'hui est donc venu le jour où vous faites quelques amis dans le monde de la recherche publique, puisque vous allez nous expliquer en substance que la science privée serait plus vertueuse. Voilà un lancement bien fourbe, Nicolas. Je tiens ici solennellement à rappeler mon respect et mon admiration pour tous les chercheurs que je rencontre au cours de mes reportages et qui font un travail remarquable. Mais revenons à nos résultats. En 2011, les chercheurs de la firme pharmaceutique Bayer ont tenté de reproduire les résultats de 67 publications importantes dans les domaines de l'oncologie, de la gynécologie et des maladies cardiovasculaires. Et le résultat a été plutôt surprenant puisque plus de 2/3 de ces expériences se sont avérées impossibles à reproduire. En 2012, une autre étude menée cette fois par la firme de biotechnologie Amgen est parvenue à un résultat encore plus alarmant. Sur 53 publications dans le domaine faites dans le domaine de l'oncologie et publiées dans les revues les plus prestigieuses, seules 6 ont pu être reproduites dans les laboratoires. Pour en savoir plus sur les raisons de ces échecs de reproductibilité, qu'est-ce que c'est dur à dire, dans le domaine biomédical, j'ai rencontré Jean-Christophe Rhin, qui est biologiste et généticien moléculaire. Il a mené une partie de sa carrière dans la recherche académique avant de rejoindre les équipes d'Ibrigenix Service, une société biopharmaceutique où il est directeur des opérations expérimentales. On a tendance à chercher à reproduire souvent des expériences qui ont été faites par des laboratoires académiques pour savoir si on peut ensuite les utiliser pour imaginer l'application d'un produit en oncologie dans une direction ou dans une autre par exemple. Et c'est dans ce cadre-là que là on se confronte à des problèmes de reproductibilité. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait dans un labo académique, il n'y a pas de sens en biologie à reproduire les manips de quelqu'un d'autre. Ça peut paraître très bizarre, mais si vous cherchez à reproduire des manips, soit vous y arrivez et ça n'a pas d'intérêt, vous ne pouvez pas les publier parce que vous faites la même chose et donc ça ne sert à rien, soit vous n'y arrivez pas, et sauf exception, si c'est quelque chose d'extraordinaire qui mérite une attention géniale, vous pouvez republier derrière, sinon vous êtes face à un gros problème. C'est-à-dire que vous attaquez votre collègue de frontalement, vous n'êtes pas sûr, vous avez un problème. Donc en fait, les laboratoires académiques, et on ne peut pas leur reprocher, c'est complètement normal, c'est logique, puisqu'ils doivent être tournés vers l'innovation, ne cherchent pas à reproduire. Donc ils n'ont pas ce problème tant de reproductibilité, et c'est pour ça que ce n'est pas eux qui s'en sont aperçus, c'est pas parce qu'ils travaillent plus mal, c'est parce qu'ils ne le font pas, parce que ça n'a pas de sens pour eux. Oui, parce que ceux qui sont finalement aperçus de cette reproductibilité compliquée, c'est des grands laboratoires pharmaceutiques, c'est Bayer, entre autres, voilà, et qui, eux, ont tâché de reproduire des expériences faites en labo et qui se sont rendus compte que ça ne marchait pas dans un grand nombre de cas. Absolument. Donc, il y a des papiers, à l'origine de cette prise de conscience, hein, d'Amgen et de Bayer, qui datent des années 2011-2012, qui montrent qu'effectivement, avec un effort important pour reproduire, pour pouvoir interpréter, pour faire de la drug discovery dans plusieurs domaines, il y avait 20%, voire moins, d'expériences qui étaient reproductibles, ce qui est vraiment très très peu. C'est-à-dire 20%, c'est vraiment un peu inquiétant. Donc ça a été à la fois pris au sérieux par les gens. Il n'y a pas eu de révolution. On s'y intéresse, on continue à s'y intéresser. Il y a des papiers très récents, vous l'évoquiez là, mais on n'a pas donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Depuis 2010, on en parle un peu plus, mais il ne se passe pas grand-chose quand même. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sent que du coup, il y a comme une espèce de fossé entre recherche industrielle et recherche académique. Est-ce que ça signifie que les enjeux sont finalement fondamentalement différents, les enjeux de la recherche, entre recherche industrielle, recherche académique ? D'une certaine façon, dans ce domaine-là, on peut dire que oui, l'innovation, enfin les sujets sont différents, les enjeux sont différents, et là, l'innovation pour une cible donnée, la compréhension du mécanisme de fonctionnement de cette protéine, par exemple, les découvertes vont être confiées aux académiques et vont être réinterprétées par les industriels pour en tirer une information utile au développement d'un médicament ou à la recherche amont pour développer un médicament. Donc, de toute façon, c'est différent. Les enjeux sont pas les mêmes, les timings sont pas les mêmes et l'investissement est pas tourné vers les mêmes problématiques. Finalement, il faut innover et trouver des choses nouvelles. C'est ça qui est important et l'académie qui est payée pour ça. Publier, et pour publier, il faut forcément que ce soit nouveau, peut-être trop, ça c'est eux-mêmes peuvent le penser, mais c'est ce qu'on peut voir vu les résultats. Et puis après, l'industriel, bien sûr, fait des innovations dans son domaine. C'est-à-dire qu'il va créer, par exemple, en recherche pharmaceutique, il va créer des nouvelles molécules. Et donc là, il y a tout son input va être dans l'innovation de chimie, les tests nouveaux, originaux, etc. Mais c'est pas dans le fonctionnement de la cible. Et là, c'est plus le laboratoire académique qui investit. Et ça va être confirmé ou malheureusement pas. Donc, il y a toujours plusieurs niveaux de recherche ou plutôt plusieurs thématiques qui sont différentes. C'est pour ça que les uns et les autres ne s'opposent pas. Ils se complètent. Mais ils se complètent pas autant qu'ils devraient parce qu'il y a des problèmes, justement, de confirmation. Voilà. Comment vous travaillez, en tout cas, ou comment vous essayez ici d'améliorer cette reproductibilité? Moi, je crois, plus pour corriger les aspects purement qualitatifs, qu'on devrait organiser au niveau mondial un système d'audit annuellement. C'est-à-dire on tirerait au hasard dans les papiers des revues un peu significatives, on tirerait 5 ou 10 papiers au hasard, et puis on enverrait des gens auditer le niveau purement qualitatif, le nombre de données, les raw data, etc. Si on faisait ça bien, ça coûterait des centaines de milliers d'euros, disons, si on faisait des vraies commissions avec des chercheurs fraîchement retraités, qu'on y allait comme ça, bon, ça coûterait, mais je pense qu'il y aurait un rendement extraordinaire. Et juste parce que les gens auraient un peu peur, un peu plus peur, je pense malheureusement que les plus rigoureux sont désavantagés par rapport aux autres. C'est-à-dire que ceux qui laissent certaines choses dans l'ombre et qui vont pas creuser avec leur postdoc ou redemander une manip ou qui se contentent d'avoir, quand il y en a 3 qui vont dans un sens, une qui va dans l'autre sens, on se préoccupe pas de celle qui va dans l'autre sens, puis on continue. C'est vraiment la base et tout le monde le fait ou tout le monde l'a fait. Moi aussi, donc il n'y a pas de honte, disons, ou peut-être que tout le monde ait honte. Et ben ça, peut-être que si il y avait un auditeur qui pouvait se pointer et qu'on devait vraiment lui montrer... On réfléchira deux fois et il y aurait tout d'un coup une montée en gamme. Je pense que tout d'un coup, il y aurait moins de soumissions pendant quelques mois. De soumissions d'articles. D'articles, oui. Je pense que les gens, une fois qu'on aurait dit « oui, vous allez être... » Enfin, même si c'est au hasard, donc ça serait presque personne en réalité. Mais je pense que que ça poserait... ça serait peut-être à tenter. Ça serait un bon investissement peut-être de la part du NIH, du CNRS, de l'EMBO et des autres, peut-être à tenter pour mettre la pression un peu sur tout le monde. Voilà un avis qui risque de susciter un certain nombre de réactions, et tandis que je salue Hervé Tisse qui vient de nous rejoindre. Hervé Tisse, directeur de l'équipe de gastronomie moléculaire à l'INRA et auteur de l'article « La question de la reproductibilité des expériences scientifiques » qui a été publié en février 2017. Peut-être Michel Leduc pour commencer, est-ce que on peut dire que les problèmes, cette crise de reproductibilité est liée intrinsèquement au monde académique pour toutes les raisons que Jean-Christophe Rhin a évoquées, pour d'autres, le problème de temps, reproduire des expériences, ça coûte de l'argent, ça prend du temps sur les recherches en cours, qu'en pensez-vous? Oui, dans ce que je viens d'entendre, il y a beaucoup de choses qui sont exactes, dans le monde, mais je ne peux pas dire si c'est mieux ou moins bien dans le monde industriel que personnellement, je ne connais pas très bien. Je pense qu'il y a aussi des problèmes de ce côté-là, comme il y en a dans le monde académique. Donc, je ne veux pas commenter ça. Mais il est exact qu'on n'est pas tenté, quand on est chercheur, de reproduire quelque chose. On a toujours envie d'aller de l'avant et faire du neuf. Ça, c'est vrai. Il est vrai aussi que les revues ne sont pas très favorables à l'idée de publier des reproductions de choses qui ont déjà été faites. En fait, c'est pas vrai dans tous les pays, parce que si vous prenez la Chine, pour dévier un petit peu, dans le domaine que je connais de la physique atomique, quand ils ont commencé à monter en puissance, ils refaisaient systématiquement toutes les expériences que nous faisions pour aller au-delà. Et c'était très, très, très, très productif pour eux. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Mais je vais demander son avis à Hervé Tisse, le temps que vous repreniez votre souffle. Que pensez-vous de ce lien qui a été établi par Jean-Christophe Rhin entre la crise de reproductibilité et le monde académique? Non, mais crise de reproductibilité, je trouve ça un peu naïf, quoi. Il y a toujours eu des bons élèves et des mauvais élèves. Il y en aura toujours. Donc ça me paraît, la politique de la loi supplémentaire ou de l'audit, etc., c'est du bâton dont on a assez. Il nous faut un peu d'ouverture, oui, un peu d'intelligence. L'audit, c'est une autre question. Sur vraiment, ouais. Est-ce que vous pensez qu'effectivement, simplement, on peut constater que le monde académique, on n'a ni le temps, ni les équipes, ni l'énergie pour chercher à reproduire des expériences d'autres. D'abord, la vertu, sa propre récompense. Quand on fait de la recherche et qu'on est un bon chercheur, ce qu'on essaye de faire, il faut pas dire ne cessons de dire au monde que la recherche est gangrénée, qu'elle est pourrie, qu'elle est minable. Ce n'est pas vrai. Il n'y a jamais eu autant de bons chercheurs dans l'histoire de l'humanité. Il faut quand même commencer par ça. Hein. Le gros avant le détail. Alors ensuite, vous savez, la reproduction d'une expérience, c'est quelque chose que moi je souhaite faire. C'est pas pour être bon élève que je veux la faire. C'est parce que d'abord, le mot essentiel en science, c'est validation. Il n'est pas prononcé assez tôt à l'école, au collège et au lycée. Nous, on est sans arrêt en train de valider. C'est qu'on fait, on a un résultat. Bon, bah, il est ce qu'il est. On se dit, tiens, d'abord, est-ce que c'est vrai? Alors, on refait au moins une deuxième fois la manip. C'est répéter, c'est pas reproduire. Oui, d'accord. Mais reproduire, ça veut dire aussi que de temps en temps, quand il y a un résultat intéressant par un collègue, on est très intéressé. Pas pour des raisons de concurrence. C'est les petits esprits qui sont dans la concurrence. On est intéressé simplement parce que le gars qui publie quelque chose d'un peu extraordinaire, ça, pour nous, c'est un émerveillement. Donc, on le reproduit pour voir ce phénomène. Imaginez que, par exemple, que vous soyez à la tête du détecteur du boson de Higgs. Mm-hmm. Michel Leduc l'évoquait. Bah, vous le voyez une fois. Mm-hmm. Bah, vous dites, j'aimerais bien le revoir. Vous avez des ondes gravitationnelles. Vous les voyez. Vous dites, il faut absolument que j'en trouve d'autres. Et donc, on est dans ce mouvement. Pas en avant pour publier parce qu'on est condamné à publier, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, même un résultat négatif, c'est très intéressant du point de vue scientifique, à condition de bien comprendre que la démarche scientifique, c'est l'observation d'un phénomène, puis sa quantification, et donc là, il y a des problèmes d'incertitude, puis la réunion des données en loi, puis l'induction pour obtenir une théorie, puis la recherche d'une prévision théorique qu'on va essayer de réfuter par l'expérience. Quand on est dans ce mouvement-là, on n'a pas de problème de reproductibilité, ça n'existe pas. Alors, on va avancer parce que c'est des choses dont on a un peu parlé dans la première partie de l'émission et puis j'aimerais qu'on garde du temps tout de même pour examiner les solutions puisqu'il y a tout de même un constat qui a été dressé et vous l'avez dressé. Bah, vous avez publié à Métis un article qui en dresse quand même, qui fait un pourtour des problèmes. Mais mon article, il dit quand même des trucs étonnants. Par exemple, quand Jean-Jacques, qui était un chimiste, se gratte les rouflaquettes au-dessus d'un ballon où ça cristallisait pas et tout d'un coup ça se met à cristalliser parce qu'il avait des germes qui traînaient au Collège de France et que ça a fait la cristallisation, je dis que on aurait eu beau répéter l'expérience, si on n'avait pas ces germes, on n'aurait jamais eu le cristal. Et donc, c'est très intéressant, au contraire, quand c'est pas reproductible, parce que ça veut dire quelque chose, ça veut dire où est-ce qu'on s'est trompé, où est-ce que le monde nous a pas dit la vérité, où est-ce que, etc. Michel Leduc, vous voulez dire. Oui, malgré tout, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure, je pense qu'il y avait quand même des éléments de vérité. Je suis d'accord avec mon collègue et ami Hervé Tisse sur le fait qu'il y a des bons chercheurs et ils travaillent bien et qu'il ne faut pas stigmatiser généralement l'ensemble de la communauté des chercheurs, j'ai dit tout à l'heure. Mais malgré tout, je pense qu'il y a un très grand besoin dans le milieu académique de faire diminuer la pression qui s'exerce sur tout le monde. On parle de la pression sur les jeunes. Il faut faire diminuer cette pression. Voilà. On va précisément dans une minute aborder les questions des solutions à apporter. J'aimerais tout de même vous poser une dernière question sur ce reportage qu'on vient d'entendre. On entend Jean-Christophe Rein et alors pour avoir parlé avec beaucoup de chercheurs, y compris au sein de l'équipe de la méthode scientifique, Jean-Christophe Rein dit « Tout le monde a déjà supprimé un écart-type gênant ». Non, pas moi. Il suffit d'un contre-exemple pour réfuter une loi générale, je vous dis, pas moi. Et ça n'aurait aucun intérêt. C'est pas une loi générale, c'est l'avis de Jean-Christophe Rein. Non, mais confondez pas les choses. Non, mais il l'érige en loi générale. Donc je vous dis non. Et il suffit d'un contre-exemple. Je suis sûr que Michel Leduc non plus. Non. C'est un peu angélique quand même. Il est vrai que quand on travaille, on a parfois tendance à choisir les résultats qui nous paraissent significatifs et qui vont bien dans le sens. Tout le monde a supprimé des points sur des courbes. Non, il ne faut pas être... Moi, je dis à mes étudiants... Mais ce n'est pas systématique. Il ne faut pas le faire de façon systématique et pas de façon à falsifier les résultats. Parce que là, sinon, on tombe dans la falsification. On n'en est pas là, on ne parle pas de ça. Moi, j'enseigne à mes étudiants jour après jour que quand il y a un point qui ne tombe pas sur une courbe, on a une droite, le point il est ailleurs, c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'il y a un écart à la loi, c'est-à-dire l'équation qu'on a formée, et c'est là qu'il y a une possibilité de découverte. Ces gens Jean-Marie Lenne qui le dit bien, il dit quand vous faites une manip et que vous avez une confirmation de votre idée, vous avez une vérification, ça n'a aucun intérêt. Et quand vous avez quelque chose qui va pas, vous avez la possibilité d'une découverte. Donc c'est très intéressant. C'est tout à fait juste. Mais oui, bien sûr. Ouais. Et donc, gardons ces idées positives en tête. La science, c'est merveilleux. Enfin, quand même. Mais personne ne dit le contraire. Vous êtes en train de nous faire passer pour des horribles déclinologues qui disent que tous les scientifiques sont pourris, que tout le monde a triché. Ce n'est pas du tout notre intention. Non, mais j'entends bien. Mais il faut être dans ce mouvement-là. C'est-à-dire se poser la question, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce travail que je fais, de cette expérience qui me donne un résultat? Et je vous assure que ça n'a pas de sens d'enlever un point. Quand étudiant, qu'on veut aller vite parce qu'on a une fille qui nous attend au bistrot, pourquoi pas? Mais là, on n'est plus dans cette dynamique. On est en train d'essayer d'agrandir le territoire du connu. C'est quand même une entreprise merveilleuse. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h45, il nous reste un petit quart d'heure pour parler de cette question de la crise dite de reproductibilité que nous abordons tout au long de cette heure en compagnie de Michel Leduc et d'Hervé Tisse. On va effectivement essayer de parler donc des solutions à apporter pour endiguer ou en tout cas pour trouver des remèdes à cette question des expériences, des manipulations qui sont difficilement reproductibles ou pour retrouver exactement les mêmes résultats dans d'autres conditions telles que nous l'avions évoqué tout à l'heure avec Michel Leduc. Il y a une question moi, que je trouve intéressante qui est soulevée par ce problème, c'est la question du droit à l'erreur. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les raisons qu'on a pu aborder au cours de cette émission poussent aujourd'hui les chercheurs à ne pas avoir le droit à l'erreur ou à ne pas pouvoir publier simplement leurs erreurs pour dire on a fait une manip, ça ne marche pas, donc on avance ensemble grâce à nos erreurs. Michel Leduc, qu'en pensez-vous? Oui, je pense que c'est très important de publier des résultats négatifs. Vous savez, en physique, il y a beaucoup de gens qui mesurent 0, 0, 0, 0 et puis des choses qui ne marchent pas et donc qui infirment des théories un peu farfelues. Et ça, c'est très intéressant. C'est très ingrat aussi, mais c'est très intéressant. Donc, je pense que... Il commence à y avoir des revues qui apparaissent oui, et qui sont des revues de résultats. Voilà. Donc, il y a un mouvement pour ça qui est très fortement poussé par les gens qui défendent l'intégrité en science. Voilà. Ça, c'est très important. Hervé Tisse, qu'en pensez-vous? Oui, moi, nous venons de créer à l'Académie d'agriculture une revue qui s'appelle Les Notes académiques de l'Académie d'agriculture. Cette revue, elle est en ligne, elle est open, ça veut dire que n'importe qui peut prendre gratuitement les articles en ligne et elle est free, c'est-à-dire que les auteurs ne payent pas. Ce qui est contraire en ce moment, vous savez qu'il y a plein de revues qui sont où on fait payer les auteurs, ça me paraît tout à fait scandaleux. Bon. Donc cette revue, elle est faite par l'Académie, elle n'est pas jugée partie vis-à-vis des auteurs, et on peut très bien publier un résultat négatif. Maintenant, il faut s'interroger sur est-ce que ça existe un résultat négatif, c'est-à-dire que moi, quand je fais une manip, je fais une hypothèse, et ensuite, je teste cette hypothèse, j'ai raison ou j'ai tort. Si j'ai tort, c'est beaucoup plus intéressant, ça veut dire que ma théorie, elle est fausse. Or, ce que je veux, c'est de trouver une théorie meilleure. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de résultat négatif. Vous êtes en train de nous faire la réfutabilité, c'est autre chose. Non, c'est pas exactement la même chose, justement. Là, je suis dans un mouvement de je veux me tester et j'espère avoir tort. Vous voyez, moi, on me connaît pour la cuisine. Bon. J'ai testé des centaines, des milliers de tours de main culinaires. Alors, il y a évidemment ceux qui sont faux. Par exemple, on vous dit, il faut battre les blancs en neige toujours dans le même sens, sinon ça monte moins. C'est pas vrai. Mais je suis triste quand j'obtiens le c'est pas vrai. Moi, je préfère avoir la manip que j'avais fait en 1991, sur des cochons de lait rôti dont on coupait la tête. Et tout le monde, le monde entier croyait qu'il n'était pas vrai que quand on coupait la tête, la peau devenait moins croustillante. On a fait la manip et on a tout de suite compris. Et c'était merveilleux parce que notre théorie est sortie grandie. Et c'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas à faire un résultat positif ou négatif. De toute façon, tout résultat, c'est un résultat positif, parce que c'est un résultat. Et il suffit de prendre l'angle pour le voir, et à ce moment-là... Alors, il y a d'autres choses, quand même. Je voulais insister un point. Parce que, donc, les revues, aujourd'hui, elles n'ont plus de problème de place quand elles sont numériques. Il n'y a plus besoin de papier, on est au 21e siècle. Et à ce moment-là, on peut publier autant de résultats négatifs qu'on veut. Certes, vous savez tout de même qu'il y a des revues à comité de lecture qui sont plus importantes dans la littérature scientifique que d'autres et qui. Mais oui, c'est une réalité. Regardez. Non. Ça n'est plus justement en ce moment. À l'INRA, par exemple, la direction de l'INRA était clairement en faveur des open data. Donc c'est un mouvement complètement différent. Et aujourd'hui, on est en train de voir les anciennes revues sur papier qui sont en train d'avoir un peu peur parce que quand même, de toute façon, les chercheurs, ce sont eux qui évaluent les articles. Les comités de lecture, ce sont les chercheurs. ils sont payés en tant que chercheurs. Ouais. Donc, à la limite, on s'en fiche complètement d'avoir Elsevier, Wiley et les autres. D'ailleurs, depuis les études, depuis quelques années, Nature et Science, pour ne citer qu'elles, ont revu leurs règles de publication, les ont mises à jour précisément pour avoir accès à plus de données, poser aussi la question de l'accès aux données brutes. Ça, c'est un enjeu de la recherche actuelle pour permettre précisément plus de reproductibilité possible. Michel Leduc, c'est une bonne piste, les données brutes, l'accès aux données brutes ? Oui, mais c'est ce que disent beaucoup les biologistes. Nous, en physique, les données brutes n'ont pas le même sens. Les données, vous savez, c'est très variable selon les disciplines. Si vous prenez les données de l'astronomie, ce sont des méga-octets sur lesquels on... Même plus, des téras, des femtes. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Hervé là, à l'instant, à propos de l'open access, de l'ouverture des publications. Je pense que, puisqu'on a parlé des améliorations, je pense qu'il y a se dessine quand même quelque chose de très positif avec ce mouvement pour l'open access et les archives ouvertes, par exemple, comme l'archive comme HAL du CNRS. Si vous publiez quelque chose qui est que tout le monde, toute la communauté à laquelle toute la communauté peut avoir accès immédiatement, vous pouvez susciter, et ça c'est quand même très souhaité, des réactions immédiates, des collègues qui regardent. Si vous avez quelque chose qui paraît douteux, vous avez des critiques. Et vous avez aussi le rôle des réseaux sociaux, je voudrais quand même dire un mot favorable pour des réseaux comme Peppeer. Dont on a aussi beaucoup parlé autour de cette table. Vous en avez peut-être parlé avec Boris Barbour. Peppeer. Vous pouvez réexpliquer en un mot, Michel. Oui, c'est un réseau. Vous pouvez sur Internet réagir sur ce site qui s'appelle Peppeer des publications qui sont déjà publiées. Et vous pouvez dire. Être vous-même le comité de lecture, en fait. Oui, comité de lecture a posteriori. Donc il y a eu un comité de lecture avant. Et pouvoir les critiquer, dire « moi je pense que ça pourrait être mieux, moi je crois que là il y a une erreur, etc. etc. » Donc il y a des possibilités de correction au-delà de la publication. Sans être moins dans la coercition, voilà, c'est-à-dire « mon Dieu, il y a fraude », mais dire « on peut améliorer collectivement Les publications. » Vous savez, il y a même des gens qui pensent qu'on va un jour, bientôt, se passer des revues traditionnelles. Pourquoi plaide Hervétis. Oui, peut-être, c'est compliqué. Le système de transition. C'est le sujet d'une autre mission. J'aimerais évoquer encore quelques pistes parce que ce sont évidemment pas les seules. Pour l'amélioration, il y a une piste essentielle, c'est les bonnes pratiques. C'est ce qu'on est en train de construire. Les guides de bonnes pratiques. Oui, ça me paraît essentiel. On peut les voir de deux façons. On peut les voir comme des moyens de vous taper sur les doigts ou on peut les voir comme des illuminations que vous recevez par des collègues. Moi, je ne cesse de demander à mes collègues plus chevronnés, meilleurs, plus intelligents, etc. Aidez-moi, je suis un enfant, aidez-moi. Je trouve qu'on n'aide pas vraiment les jeunes scientifiques. Un doctorant, c'est un jeune scientifique, il faut l'aider. Nous, on a une place au soleil, mon labo, il est très bien, Michel Leduc, c'est pareil. Enfin, et donc, on est vraiment là pour aider les jeunes. Encore une fois, l'objectif, c'est la réussite collective de la publication agrandie. Donc, les bonnes pratiques, il faut les faire dans un esprit positif, ouvert, stimulant. Et je crois qu'il est temps, au XXIe siècle, de se mettre ensemble pour les produire. Contrairement à ce qu'a fait la Société américaine des sciences, qui a fait Responsible Science, où ils disent il faut pas. Ça vous dégoûte à jamais de la recherche. C'est-à-dire, finalement, il y a les bonnes pratiques, ça va dans le sens d'une meilleure information, peut-être aussi une meilleure formation, Michel Leduc, tous les cursus scientifiques, des cours d'éthique scientifique qui soient... Vous savez que maintenant, c'est devenu obligatoire, c'est depuis un an, tous les doctorants seront nécessairement exposés, c'est le mot qui a été pris par le ministère, à une formation à l'éthique et à la déontologie de leur métier avant de passer leur thèse, c'est devenu obligatoire. Bon, ça c'est une très bonne chose qui a obtenu le comité Corvol du professeur Corvol qui a travaillé pour le gouvernement sur l'intégrité scientifique et qui a fait un travail absolument remarquable. Ce que je veux dire, c'est qu'au comité d'éthique du CNRS, on s'est aussi posé la question et on a rédigé un guide de formation aux bonnes pratiques. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, bien sûr, je regarde très souvent. voilà, parce que... C'est un guide quand même assez long. Et ça n'est pas du tout les 10 commandements, vous ne ferez pas ci, vous ne ferez pas ça. C'est juste le contraire. Si vous rencontrez telle difficulté, on peut vous aider, regarder dans le guide. Voilà, il a été rédigé par Lucienne Letellier. Mmh. Et il a été adopté maintenant par toutes les universités. Et il est traduit en anglais, on le diffuse dans les autres pays d'Europe. Donc, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut baser des enseignements. Et autre piste que j'aimerais vous soumettre peut-être à la dernière pour conclure, on parlait tout à l'heure des problématiques liées à la technicisation, à l'extrême précision des nouvelles instrumentations. Est-ce que ça veut dire qu'il faut peut-être assouplir la notion de marge de manœuvre ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut assouplir la notion de statistiquement significatif ? Hervétis, qu'en pensez-vous ? Oh non, vous savez il y a le gros, le détail. On peut s'amuser à faire des calculs statistiques quand il n'y a pas de différence et on arrivera à montrer des différences qui ne sont pas vraiment, qui n'existent pas vraiment, mais on veut voir le phénomène en vrai. Non, il faut pas, je pense pas qu'il faut baisser la garde. Au contraire, moi j'aurais tendance, jour après jour, à la lever de plus en plus parce que je tremble à l'idée que je puisse produire quelque chose de faux. Vous savez, ça m'est arrivé une fois, c'était pas faux complètement, c'était inexact, mais j'étais pas content de moi. Et je l'avais pas publié, donc ça allait. Mais quand même, on est ennuyé. Hein. Il faut voir le scientifique. Je vous disais, le mot validation, c'est le maître mot. Il est le ou la scientifique est dans son laboratoire, il fait son boulot, il produit des données. Et puis, on n'est pas comme dans un examen au lycée. C'est-à-dire qu'un examen au lycée, vous avez 11 sur 20, c'est pas bien grave. Vous passez l'année après. En science, si vous plantez, il n'y a personne pour vous repêcher. Et c'est pas le regard des autres qui nous intéresse. C'est notre propre regard noir. Je vous assure que le jour où j'avais failli publier quelque chose de faux, mais je rougis encore de honte aujourd'hui, alors que c'était il y a 20 ans. Donc il s'agit de trouver des tas de moyens de serrer les boulons dans tous les coins pour arriver à avoir une espèce, pas de certitude, mais de probabilité. Et là, on dort mieux la nuit. Il faut aussi rétablir le droit à l'erreur, c'est donc peut-être avoir moins honte de temps en temps de produire des résultats faux, ça peut aller dans ce sens-là, Michel Leduc. Pour conclure, Michel Leduc. Oui, je voudrais dire que c'est quand même important de réfléchir à comment on peut atteindre la vérité en science. Alors, vérité, c'est un grand mot. C'est peut-être pas on va mettre des guillemets. C'est-à-dire que dans les deux minutes qui nous restent, c'est un programme un peu ambitieux. Non, mais la confiance dans un résultat. Comme je parle à un chimiste ici avec mon ami Hervétis, je donnerai l'exemple quand même de la notion d'atome. Maintenant, on sait que les atomes existent. Même j'en ai vu, de mes yeux vus, individuels. Mais vous savez, pour arriver à prouver que l'atome existe, à l'époque de Jean Perrin, quand il a écrit son livre sur l'atome, il n'y avait pas de consensus. Il a fallu qu'il y ait, c'est ça que je voulais dire, qu'il y ait une confluence de méthodes différentes venant de labos très différents, qu'il y a eu la chimie, il y a eu la spectroscopie, il y a eu les théories de la physique atomique, il y a eu les manips de physique atomique, et c'est ça qui fait que maintenant, on ne doute pas, il y a une vérité quand même, l'atome existe, hein, mais je l'ai vu. Ah, Baptiste, pour conclure. Pour conclure, la question donc, de cette reproductibilité, c'est quelque chose de difficile. Il faut mettre en œuvre des tas de moyens pour essayer de reproduire les expériences. C'est intéressant parce que deux personnes qui vont... Vous voyez, regardez la mécanique quantique, il y a eu les matrices et il y a eu les opérateurs. C'est arrivé par deux voies et ça a convergé. Si on veut valider, ça veut pas dire reprendre le même chemin, ça veut dire prendre un autre chemin pour arriver au même résultat. Et donc plus il y a de diversité, plus il y a de collaboration entre les scientifiques, plus il y a d'enthousiasme pour quand même ce but inouï, agrandir le territoire du connu. À ce moment-là, on a collectivement un moyen d'arriver à avancer beaucoup plus vite qu'on ne l'a fait dans tous les siècles qui nous ont précédés. Et je trouve ça merveilleux. Eh bien, c'est sur ce beau message d'optimiste que nous conclurons cette émission. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Michel Leduc. Merci Hervétis d'être venu parmi nous malgré tout et d'avoir poussé la course pour revenir et pour arriver finalement dans ce studio. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Précisez évidemment que comme chaque jour, vous pouvez retrouver, télécharger, podcaster cette émission ainsi que toutes les autres sur le site de franceculture.fr. Et merci donc à tout le reste de l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomeï, Céline Lozen, Ève Etienne, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Victoria Asper à la technique et Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Et la suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, la question du jour qu'Hervé Gardette posera à ses invités. Comment dégentrifier les beaux quartiers sera dans le grain à Moudre à 18h20. Dernier épisode aujourd'hui de la série documentaire de la semaine, Voyage Transclasse, l'histoire de ceux qui ont quitté leur milieu d'origine par Léla Djitli et Vincent Deck. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous filons à Lyon pour la Biennale d'Art Contemporain. Nous serons en direct et en public. Venez nombreux, vous êtes les bienvenus à la Sucrière pour évoquer les dialogues entre science et art contemporain. N'hésitez vraiment pas à venir nous rendre visite, ça nous fera plaisir. Et puis, on se retrouve donc demain à Lyon à 16h, jusqu'à preuve du contraire.